Portera mensa papidi. Yon sel maman, yon sel pidi. La pe voye wosh la kache me. Tout voisin a sezi. Malè deja fè tout moun plonan. Se maman pat konen. Histoire te ramène sa papidi. Yon sel maman, yon sel pidi. La pe voye wosh la kache me. Tout voisin a sezi. Malè deja fè tout moun plonan. Se maman pat konen. Sa vin genye de zon wa mwa. Maman dwe make la balanse. Maman di tombe san kondesans. Tout moun plonan se voye l'hôpital tout dekouraje. Le sa vin genye de zon wa mwa. Maman dwe make la balanse. Maman di tombe san kondesans. Tout moun plonan se voye l'hôpital tout dekouraje. La dekel tou janere. Neg la vire do la lekite. Ni tombe sou ke yon bel ti pitit ki pitit maman. Pou te wè kote sa te pitis. Ni se la dekel tou janere. Neg la vire do la lekite. Ni tombe sou ke yon bel ti pitit ki pitit maman.